l'église bénit les tribunes à une, comme un père avant le grand départ. Chaque parole trace une route pour des fils qui marcheront plus tard. Il parle de refuge, de force, de fécondité, de joie, de partage et de victoire. Et chaque tribu reçoit une part du futur écrit dans l'histoire. La bénédiction prépare les chemins que les pas n'ont pas encore foulés. Parle encore sur nos vies, Seigneur. Que tes paroles nous précèdent et nous gardent sous tes ailes. Parle encore sur nos vies, Seigneur. Grave ton futur dans nos pas, car la bénédiction reçue dans la foi prépare déjà nos victoires. Que tes paroles.